DNK. Ukraja semti jako in jo nazelotei pala u zwoich bloke. Che me posabish mai kemi tatemam. Tudi tchej tisoch let ko naju vech nebo. Boch u Moyem Glockchou. DNK. Je t'ai volé un poil et je l'ai scotché dans mon carnet. Si tu m'oublies, je te jure que je t'ai pour toujours. Même dans 1000 ans, lorsque nous n'existerons plus, tu seras toujours dans mon carnet.